Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on va parler de soccer hein, en début de bulletin. Nos équipes de Dolbeau-Mistassini ont très bien fait aux différents tournois de la région. C'est qu'il y avait deux tournois majeurs en fin de semaine. Un à Robertval en vue de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean et l'autre également à Chicoutimi. Et dans la catégorie U8, victoire de Dolbeau-Mistassini contre Chambord 8-0. Et dans la catégorie U10, gain de Dolbeau-Mistassini contre Saint-Félicien. Maintenant, pour le match de la médaille de bronze au tournoi de Chicoutimi dans la catégorie U12, Dolbeau-Mistassini a vaincu Saint-Ambroise 4-3. Et puisqu'il est question de soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, à noter que dans le U12 masculin, le Chinook de Chicoutimi et le FC de Saint-Félicien se sont livrés un verdict nul de 2-2. Le Chinook a gagné 2-1 également contre le FC de Saint-Félicien. Et donc, ce match était dans en senior féminin division 2. Au golf, Pierre-Alexandre Bédard n'a pu éviter la coupure lors du tournoi McKenzie, qui se déroulait à Montréal au cours des derniers jours. Le golfeur de Chibougamau a joué 70 et 72. Par contre, sa page Facebook, le golfeur semblait vraiment pas très déçu. Il semblait apprécier son expérience. D'ailleurs, on va lui parler aujourd'hui sur les ondes de danradiosport.com. Et puis, c'est une question de golf. C'était la troisième ronde de qualification de la Coupe des champions sur les allées du club de golf de Chibougamau. En classe A, Jeff Richer a réussi le pointage de 78. En classe 2B, Dave Lachance a réussi un pointage de 80. Et en classe B, Normand Baudry, 87 pour réussir la meilleure ronde de cette classe. Il y avait 24 golfeurs qui étaient présents pour la circonstance. Bonne nouvelle pour les organisateurs de la traversée internationale du lac Saint-Jean. La traversée qui s'est octroyée une subvention de 104 000 $. Ça a été annoncé au cours de la dernière fin de semaine. Du montant du 104 000 $, il y a un montant quand même il y a 55 000 $ qui viennent de l'enveloppe aux événements internationaux et 49 000 $ provient également du ministère du tourisme. Le premier ministre Philippe Couillard, qui est également le député du comté, a mentionné qu'il était très heureux, évidemment, de donner son appui à la traversée internationale du lac Saint-Jean. Parlons de course à pied maintenant. Il y avait une compétition qui se déroulait en fin de semaine. Et ça, il va y avoir beaucoup de compétitions en marge, évidemment, de la traversée internationale du lac Saint-Jean qui va avoir lieu samedi. Donc, il y avait une compétition de course à pied. Il y avait 500 coureurs qui s'étaient réunis pour la circonstance. Donc, à noter qu'il y a eu quand même beaucoup d'action. Au 10 km masculin, Samuel Villeneuve a pris le deuxième rang. Il est du Club du Mille. Dans le cas de Samuel, il a terminé au deuxième rang avec un temps de 36 minutes et 33 secondes. Aussi, au 5 km masculin, à noter que Nicolas Desbiens du Club Jacourt a terminé au premier rang avec un temps de 16 minutes 16 secondes. Au 10 km féminin, Laurence Bouchard d'Alma a triomphé avec un temps de 38 minutes 48 secondes. Au 5 km féminin, Véronique Goulet de Saint-Augustin a enlevé la première place avec un temps de 19 minutes 9 secondes. Au 3 km masculin, Gabriel Lamontagne du Club du Mille a terminé au premier rang avec un temps de 10 minutes 19 secondes. Florence Ménard de Robertval a terminé au troisième rang avec un temps de 16 minutes 42 secondes. Au 1 km masculin, Tommy Perron de Saint-Félicien au premier rang avec un temps de 3 minutes 37 secondes. Au 1 km féminin, Sakian Cheneau a terminé en première place avec un temps de 3 minutes 31 secondes. Et à noter également que Mathieu Brassard de Robertval au 5 km marche a triomphé avec un temps de 28 minutes et 30 secondes. Tant qu'au 5 km marche féminin, deuxième position pour Chantal Girard. Évidemment, il y a également de la compétition en nage en eau libre. Ça a commencé à Robertval également. Donc, au 1 km, Frédéric Fortin a triomphé. Il est de Saint-Félicien. Il a réussi un temps de 14 minutes 27 secondes. Gabriel Savard de Dolbeau-Mistassini a terminé au premier rang chez les filles. Dans le cas de Gabriel, elle a terminé avec un temps de 14 minutes 45 secondes. Elle a pris également le deuxième rang au cumulatif. Aux courses aux 2 km, victoire de Mathieu Potvin de Saint-Jérôme. Gabriel Savard, encore une fois, deuxième position avec un temps de 28 minutes 40 secondes. Elle a également terminé au premier rang chez les filles et deuxième au cumulatif. Maintenant, à noter qu'au 5 km, belle performance également de Daniel Bellil, qu'on a parlé la semaine passée. Daniel Bellil qui a réussi un temps de 14 minutes 11 secondes. Elle a pris le 4e rang au cumulatif et le 2e rang au général. Le sport local et régional à donradiosport.com. On s'en occupe.